France Musique. Merci Elsa Boublil, très bon dimanche et à la semaine prochaine. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Voici une comédie musicale coup de poing qui donne un coup de fouet à plusieurs carrières à Broadway d'un seul coup. Celle du duo Fred Astaire-Adèle Astaire, celle du duo d'auteurs George Gershwin-Ira Gershwin et qui modernise radicalement la comédie musicale. De nombreuses chansons deviendront des standards de Fascinating Rhythm, As Man I Love. Ce matin, Lady Be Good, la première comédie musicale des frères Gershwin en 1924, est sur la grande affiche de la 42e rue. Bonjour à tous. Fatal day, a little songbird flew. Found it so very gay, he thought he'd stay just to get a bird's eye view. When he heard the jazz band playing, he was happy as a lark. To each measure he kept swaying, and he stayed till after dark. And back to the land he knew, thrilled through and through, he sailed on in the air. Called all the other birds, and in these words started gurgling then and there. I'm a little jazz bird, and I'm telling you to be one too. For a little jazz bird is in heaven when it's singing blue. I say it with regret, but you're out of date. You ain't heard nothing yet till you syncopate. When the going is rough, you will find your troubles all have flown. If you warble your stuff like the moaning of a saxophone, just try my recipe and I'm sure you'll agree that a little jazz bird is the only kind of bird to be. I say it with regret, but you're out of date. You ain't heard nothing yet until you syncopate. Just try my recipe, and I'm sure you'll agree that a little jazz bird is the only kind of bird to be. Un de ces titres magnifiques teintés de notes bleues que signe George Gershwin en 1924. Dans cette comédie musicale Lady Be Good, à l'instant, c'était John Pizzarelli. Et juste auparavant, le John Wilson Orchestra qui reprenait le titre principal de cette comédie musicale Lady Be Good. C'est extrait d'un nouvel album qui est sorti et qui rend hommage en live à l'œuvre de Gershwin à Hollywood. Voilà la musique rythmée, la mélodie exubérante, l'audace, l'esprit. Tout Gershwin est là, dans cette quinzaine de chansons que compose George Gershwin en 1984 pour Lady Be Good, qui ouvre à Broadway le 1er décembre et connaît un énorme succès. Alors auparavant, quelques mois auparavant, celui qui a débuté en tant que démonstrateur de chansons au piano dans des magasins de partitions, celui qui a réussi à placer quelques chansons dans des revues à Broadway, qui a commencé à composer des partitions complètes pour un ou deux spectacles, s'est surtout fait un nom en février, en créant devant des critiques de musique ébahis sa Rhapsody in Blue. C'était en février 1924. On le prend désormais au sérieux, George Gershwin, et tout le monde guette son nouveau spectacle. Son objectif, avec son frère Ira, qui jusque-là a écrit des paroles, mais sous un pseudonyme, pour ne pas faire d'ombre à son frère compositeur, c'est de renouveler le genre. Il souhaite, George Gershwin, écrit-il, eh bien, un tout nouveau type de spectacle musical avec des mots modernes et de la musique moderne. Le jazz et ses inflexions sont toutes trouvées et il a aussi écrit quasiment sur mesure cette comédie musicale pour Fred et Adèle Astaire. Les voici tous les trois réunis autour donc du piano de George Gershwin en 1926. When we get started, they will disappear. Listen. listen to brother while we've each other. There's no need to fear, for like Hansel and Gretel, we will prove our mettle. If you'll hang on to me while I hang on to you, we'll dance into the sunshine, out of the rain, forever and a day. En 1992, le musicien, producteur Tommy Krasker a reconstitué, restauré la partition originale de Lady Be Good, la comédie musicale de George Gershwin, qu'il avait créée en 1924. Et on vient d'entendre, par exemple, un autre extrait de cette comédie musicale, A Wonderful Party. Vous avez pu entendre, au milieu de ce morceau, eh bien, un numéro de duettiste, pianiste. En fait, dans Lady Be Good, les producteurs avaient fait appel aussi, non seulement à Fred et Adèle Astaire, qui étaient des vedettes émergentes, mais à des vedettes réelles à l'époque, et notamment Victor Arène et Phil Oman, qui étaient des vedettes de l'époque. Donc, les voici maintenant dans un enregistrement original de 1924, en train d'interpréter avec l'orchestre de Carl Fenton une chanson qui allait devenir très célèbre. I hope it listens when I say. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking, just like a flipper. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping, to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take the day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to be. fascinating rhythm, or won't you stop picking on me? Got a little rhythm. Rhythm. Got a little rhythm. It's got me on the go. It's got me on the go. Got a little rhythm. It's got me on the go. Vous l'avez reconnu, cette chanson que George Gershwin écrit en 1924 pour la comédie musicale Lady Be Good et qui devient un énorme standard, Fascinating Rhythm, chanson quasiment flambeau qui devait au départ s'intituler Fascinating City avec un rythme vraiment compliqué. Ira Gershwin, le parolier, dira que ce fut de toute sa carrière la chanson qui lui donna le plus de mal pour poser des mots dessus. C'est vrai que la métrique de ces mots, de ces couplets, est un peu compliquée. Là, ce que nous venons d'entendre, c'est une version avec Matthew Broderick en 2014 à Broadway dans une comédie musicale qui s'intitulait Nice Work If You Can Get It. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Et la vérité, c'est que dans le spectacle, eh bien, celui qui débutait, qui créait la chanson sur scène, c'était une autre guest star. Il s'appelle Cliff Edwards. Chanteur, acteur, musicien très connu dans les années 20 et 30. Également joueur de ukulélé, il fut le premier à interpréter notamment la chanson Singing in the Rain. Mais peut-être qu'en France, on le connaît surtout pour ceci. Thank you.

Cliff Edwards en 1924 et son ukulélé qui crée sur scène dans Lady Be Good, cette chanson qui devient un standard, Fascinating Rhythm. Lady Be Good, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une farce, l'histoire de deux frères et sœurs mis à la porte par leur propriétaire, incarnés par Fred et Adèle Astor, qui se retrouvent dans une soirée mondaine parmi des gens fortunés et se demandent s'il ferait pas mieux finalement d'épouser un bon parti et de rejeter celui et celle qu'ils aiment vraiment. Quiproquo, jeu de mots, porte qui claque, il y a tellement d'ingrédients de comédie, de côté absurde, qu'on peut dire aussi qu'il s'agit, avec Lady Be Good, de l'ancêtre de ce qu'on découvrira dans les années 30 à Hollywood, les screwball comedies, vous savez, ces comédies rapides, efficaces, dont justement Fred Astaire et Ginger Rogers étaient souvent les vedettes. Fred Astaire, en 1924, est déjà une vieille connaissance de George Gershwin. Ils sont jeunes tous les deux, mais ils se sont rencontrés dans leur jeunesse sur Tin Pan Alley. George Gershwin était ce qu'on appelle song plugger, c'est-à-dire pianiste de chansons dans un magasin qui vendait des partitions. Et Fred Astaire passait par là, jeune artiste de vaudeville, à la recherche de musiques sur lesquelles faire ses numéros. Ils s'étaient jurés de travailler ensemble parce qu'ils avaient une certaine idée du swing en commun. Au fil des années, séparément, chacun se fait sa réputation. Fred et Adèle Astaire se font d'abord un nom à Londres. Lady Be Good en fera des vedettes à Broadway. Pendant la création, fait rare, Fred et Adèle Astaire sont là aux côtés de George Gershwin qui compose. George Gershwin joue au piano pendant que Fred invente ses chorégraphies. Et parfois, c'est George qui lui propose un pas. Il se lève et ça faisait toujours rire. Fred Astaire, raconte-t-il dans ses mémoires. Enfin, c'est aussi dans ce spectacle que George Gershwin offre à Fred Astaire son premier numéro de danse solo. Ils l'ont enregistré en 1926, un magnifique blues. Chill. I'm gloomy. I won't recall the names of all the men who fall. It's all appalling to me. Of course, I really cannot blame them a bit, for you're a hit wherever you flit. I know it's so, but dearie, oh, you'll never know the blues that go right through me. I've got the, you don't know the half of it, dearie, blues. The trouble is you have so many from. Mary, Tom, Dick, or Harry, life would be the bunk. I'd become a monk. I've got the, you don't know the half of it, dearie. The wife. I've got the, you don't know the half of it. John Pizzarelli, Michel Nicastro reprenaient en 1992 cette chanson créée par Fred Astaire avec les orchestrations de l'époque. Ça s'intitulait The Half of It, Deary Blues. Lady Be Good va être un succès des deux côtés de l'Atlantique. Le spectacle reste près d'un an à Broadway et puis il part à Londres dans le West End avec Adèle et Fred Astaire qui font le voyage et y resteront durant 2 ans. Des deux côtés de l'Atlantique, c'est surtout Adèle Astaire qui fait tourner les têtes aux journalistes, au public. Elle accapare les applaudissements du public qui la trouve belle, charmante, merveilleuse danseuse. Pour cette reprise à Londres, George Gershwin va un petit peu actualiser son spectacle et incorporer 2 chansons dans le vent. Comme le Charleston est à la mode, il offre à Adèle et Fred Astaire un morceau intitulé « I'd rather Charleston ». Wanna dance? Susie, be serious for once. This is no time for dancing. I've seen for days that you've got some ways that must be checked. In you I never can detect the slightest sign of intellect. You're mad on dances, think of the chances you neglect. You never seem inclined to use your mind. In fact, it's plain to see that I'm the brains of the family. Take a lesson from me. I'd rather Charleston. Charleston? Think of what you might be. I'd rather Charleston. Charleston? I'm disappointed in you and your ways. I'm double-jointed. There's no sensation like syncopation. Will you let me know why? I'd rather Charleston. Charleston? That's the sort of thing I would never do. So leave it behind and give your mind to something new. I'd rather Charleston, Charleston, Charleston with you. Your way of living soon will be giving me a pain. You just repeat this one refrain. You use your feet and not your brain. Don't know what you hope to gain. And after all I've done, it's not much fun to have a sister who's got all her brains and her dancing shoes. So, take a lesson from me. I'd rather Charleston. Oh, Charleston. When you're older you'll see. I'd rather Charleston. Charleston. A great improvement I looked for in you. I like this movement. It makes you plastic, just like elastic. Don't you ever keep cool. I'd rather Charleston. At Charleston. That's the sort of thing foolish people do. Oh, haven't you read what Lincoln said in 62? Yeah. Well, what did he say? I'd rather Charleston. And oh, what a yodeling fool was he. He shook the wicked yodel. And one night as he stood there, the lights were very dim. While leaning out a little bit too far across the balcony, she fell for him. He sat with his arms around her until the night was gone. And here's the way they carried on. He said, dear, I think you're just as sweet as you can be, like a cake of sweets with chocolate to me. She said, oh, my loving one, you talk, can't resist. Hold me steady as a Swiss watch ticking on your wrist. He said, oh, I yearn for you, I burn for you, and you're a lady who I swear on my knees. My love for you is just as strong as a piece of Schweizer cheese. Autre danse pastiche dans Lady Be Good en 1924. Une polka entonnée par Fred Astaire et Adèle Astaire, George Gershwin dans cette comédie musicale pastiche Charleston. La polka, en fait, il déploie son sens comique et s'amuse à parodier les danses à la mode, le jazz, avec toujours un petit twist ou toujours une petite note bleue. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Avec des chansons étrangement mélancoliques qui ont des couplets en mode mineur. Certaines, magnifiques mais trop délicates, devront être supprimées du spectacle. Comme certainement l'une des plus célèbres de George Gershwin, la toute première qu'il compose pour Lady Be Good, celle qui convainc l'un des producteurs d'investir dans le spectacle, mais qui va passer à la trappe. Ira Gershwin raconte la suite dans ses mémoires. Adèle chantait cette chanson de façon charmante, de façon délicate. Mais la douceur, la simplicité du style ne marchaient pas dans ce mélange de numéros de danse extrêmement applaudis et de sketch. Après une semaine, la chanson était supprimée. Écoutez-la, cette chanson, dans la voix de Frances Gershwin, la propre sœur de Ira et George. When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream. And of course, Prince Charming is the theme, the he for me. Although I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true. To me it's clear that he'll appear. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Now maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? and so all else above, I'm waiting for the man I love. Now that I am starting, I cannot deny, I'd prefer a see you later to a mere goodbye. But before departing, do I hope in vain? Something makes me wonder whether you'll forget me altogether if we never meet. When I go my way along some highway, will you remember me? When you are lonesome, I'd like to own some place in your memory. I know that you'll play a part in my heart when I start. That's something I can guarantee. But when I stray off somewhere away off, will you remember me? Not forget that we'd met. You can bet a very flattered man I'd be. But when I stray off somewhere away, deux ballades empreintes de notes bleues composées par George Gershwin pour cette comédie musicale Lady Be Good et qui seront finalement supprimées du spectacle. Will You Remember Me, à l'instant, interprété au piano et chanté par Michael Feinstein, et puis auparavant, évidemment, The Man I Love, interprété par Frances Gershwin. Quant à la chanson-titre, Lady Be Good, tant popularisée plus tard par Ella Fitzgerald, eh bien, la voici enfin dans le jus du spectacle. Alors voilà, à ce moment-là de l'histoire, un avocat amoureux suggère à la jeune fille mise à la porte de sa maison, interprétée par Adèle Astaire, de se faire passer pour une Mexicaine afin de toucher un héritage. Oh, Lady, lui dit-il, soyez bonne. Susie, there you are. I need a little favor. I have this client, a Mexican girl who's inherited some money, but she can't come to collect it. Why not? Well, she's doing 5 years in Canto Canto. Canto Canto? Yes, that's Mexican for Sing Sing. Now, why Canto Canto you pretend to be this little señorita and go and collect her money for her? What? There's $50,000 for you if you'll do it. What a killing we could make. Oh, lady, oh, please come through. Susie, oh, for goodness sake, it isn't so hard to do. In this moment of distress, hear my SOS. All my future is at stake, and Susie, it's up to you. So, oh, sweet and lovely lady, be good. Oh, Susie, be good to me. I am so awfully misunderstood. So, Susie, be good to me. Oh, please have some pity. I'm all alone. I tell you, I'm just a lonesome babe in the wood. Oh, Susie, be good to me. Oh, Waddy, I can't. Susie, come back. Ah, Susie. What's wrong, Mr. Watkins? You look so glum. Listen to my tale of woe. It's terribly sad but true. All dressed up, no place to go. Each evening I'm awfully blue. I must winsome miss. Can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So, oh, sweet and lovely lady, be good. Oh, lady, be good to me. Understood. Oh, lady, be good to me. This is tulip weather. So let's put two and two together. I tell you, I'm just a lonesome babe in the wood. So lady, be good to me. Who says construction in America is falling behind? My, my, my, you are winsome. You win some of this. Oh, Mr. Watkins. I tell you, I'm just a lonesome baby. So, lady, be good. 5 minutes with me, and they're a woman with a past. To me. On vous conseille deux enregistrements de Lady Be Good en 1992 sous la direction de Tommy Krasker, paru chez Nonesuch, et puis l'an dernier sous la direction musicale de Rob Fisher. On vous a mis les références de ces disques qu'on a beaucoup diffusés ce matin sur la 42e rue sur le site de France Musique à la page de l'émission. Dans l'actualité des comédies musicales, une pensée d'abord aux acteurs, à toutes les personnes qui travaillent depuis la mi-août sur le fantôme de l'opéra à Mogador. L'incendie de dimanche dernier a provoqué, vous le savez, l'annulation de la première. On espère que ce n'est qu'un petit retard. Cette semaine, ça se bousculait au Portillon, Timéo, Trois Mousquetaires, Rouge et le Noir, et puis Showcase. Vous savez, c'est un moment où on invite les journalistes pour leur faire découvrir quelques chansons d'un nouveau spectacle à venir. Est-ce que vous allez reconnaître celle-ci ? Cher inspecteur Javert, je te fais mes salutations. Je suis petit peut-être, mais j'ai oublié d'être con. Tu te crois le puits Mariole, mais faut que t'entraves une bonne fois. Qu'on peut se faire piéger par un plumineau que soit. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Les gamins de Paname ont pas le temps d'être dignards. Nous on va peut-être, et si ça vous épate, relisez donc l'histoire de David et Goliath. Et oui, Les Misérables reviennent en langue française à partir du mois de mars. On vous tiendra évidemment au courant. Les Misérables, la comédie musicale de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil et Pierre Gommet, le petit Pierre Gommet qui interprétera Gavroche. Plus d'informations, les références des disques diffusés, le podcast, tout ça vous le retrouvez sur francemusique.fr et vous pouvez également nous écrire et commenter l'émission sur Facebook et sur Twitter. Merci à Martine Moni, merci à Alain Joubert et merci à Perrine Mingui pour la réalisation de cette émission. Très bon dimanche sur France Musique. Rideau. Il est midi, c'est l'heure de retrouver Stéphane Grant.